musique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarret, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1967, troisième émission. Comment voyez-vous l'année 1967? Comment vous en souvenez-vous? Si vous l'avez vécu, et comment l'imaginez-vous si vous ne l'avez pas vécu? Mais considérez-nous comme un programme de rattrapage. En noir et blanc? En couleur? Nous ne parlons pas de la couleur politique des candidats aux élections législatives du printemps, mais des couleurs qui, petit à petit, quelques heures par jour, sur une seule chaîne de la télévision, cela dit, il n'y en avait que deux, allait apparaître au mois d'octobre d'une grande qualité puisqu'il s'agissait d'un système 100% français. Élections législatives, disions-nous. Nous sommes au lendemain du second tour, le 13 mars 1967. Jacques-Alexandre, La Presse du Matin. Deux titres résument les premières impressions des éditorialistes. L'Humanité, éclatant succès de la gauche unie. Le Figaro, recul sensible de la Ve République qui demeure le groupe le plus nombreux de la nouvelle Assemblée nationale. Plusieurs éditorialistes de la presse parisienne sont venus cette nuit confier leurs impressions à notre micro et c'est ainsi que pour Combat, Jean-Claude Vajou tire quelques enseignements après ce second tour. Les désistements ont joué à fond, que le candidat unique de la gauche ait été communiste ou fédéré. Et au-delà des consignes des formations politiques, on a trouvé dans les couches populaires une volonté de barrer la route aux excès du gaullisme qui a transformé une tactique électorale en un grand mouvement d'enthousiasme. Et c'est cela, à mon avis, qui est très important pour l'avenir. Claude Leleu de La Nation ne pense pas qu'il puisse y avoir de problème de gouvernement. Eh bien, nous pouvons dire que, dans l'ensemble, nous avons maintenu des positions dans pas mal de secteurs. Il est bien évident que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, beaucoup de centres démocrates ont voté avec l'extrême-gauche. Nous arrivons à des coalitions absolument surprenantes entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. C'est une des choses les plus étonnantes de ce second tour. Mais dans l'ensemble, nous pouvons penser que cette majorité sera reconduite et que de toute façon, comme disait M. Pompidou tout à l'heure, il n'y aura pas de grands problèmes de gouvernement. Roland Faure de L'Aurore évoque le rôle du centre. Alors je dois dire que quel que soit le résultat, la position du parti de la Ve République se trouve affaiblie, puisqu'il ne sait pas encore s'il disposera de suffisamment de députés pour appuyer la politique du général de Gaulle. Cela dit, je pense que la première constatation que l'on peut faire, c'est que en voulant briser le centre, le parti de la Ve République a fait un mauvais calcul parce qu'il se retrouve avec, en face de lui, une force qui était, à mon avis, problématique il y a quelques jours et qui se révèle extrêmement puissante aujourd'hui. Cette force, eh bien, se trouve en grande partie dominée par le Parti communiste et le Parti communiste qui a pris des sièges, beaucoup de sièges, à Paris, dans la région parisienne, qui va pouvoir s'installer, s'implanter. Et donc, il sera sans doute très difficile par la suite de l'exclure. René Andrieux de l'Humanité ne cache pas sa satisfaction. Le deuxième tour confirme et accentue le premier. Le gaullisme marque le pas, la gauche est à l'offensive. Non seulement les députés communistes sortants, devenus candidats de l'union de tous les partis de gauche, sont en général brillamment réélus, mais encore nous gagnons de très nombreux sièges. Le groupe parlementaire communiste comptera 72 sièges au lieu de 41. Dans maintes circonscriptions, le chiffre des voix recueillies par le candidat communiste est supérieur au total des voix obtenues au premier tour par l'ensemble des formations de gauche, et c'est là un fait dont il est à peine besoin de souligner la portée. Une partie de l'électorat du centre démocrate a rallié au deuxième tour le candidat de la gauche. Marcel Gabilly du Figaro est sceptique pour l'avenir au sujet de l'accord fédération-parti communiste. Si le PC est le grand gagnant de l'opposition PC-Fédération, la victoire gauche-extrême-gauche repose sur un seul accord de tactique électorale. L'essentiel reste à faire, il n'y a pas de programme commun, parce que les deux forces alliées d'hier se séparent sur la plupart de leurs objectifs. La deuxième surprise de la journée, ce fut le déplacement des voix. D'un tour de scrutin à l'autre, 1% des voix semble avoir changé de camp au bénéfice de l'opposition. Ce décalage paraît dû au report vers la fédération d'une large fraction des voix centre-démocrates devenues disponibles après le premier tour et livrées à elles-mêmes. De sorte que la fédération de la gauche se trouve être gagnante sur ses deux ailes, du côté communiste d'une part, du côté centre-démocrate d'autre part, et l'on arrive à cette situation pour le moins équivoque, que le centre démocrate, qui se disait résolu à faire barrage au communisme, contribue avec celui-ci au renforcement d'une formation inféodée au communisme. Claude Fusier du Populaire évoque lui aussi l'avenir. Je pense que l'avenir se pose sous deux aspects différents. Il y a d'une part ce que fera le général de Gaulle lui-même. Il reste dans une certaine mesure le maître du jeu, puisqu'il est le président de la République, et qu'à ce titre, il a des pouvoirs constitutionnels et d'autres pouvoirs qu'il s'est lui-même accordés. Et il y a ce que nous ferons nous-mêmes. Bien entendu, une partie de notre action dépendra des décisions prises par le chef de l'État. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes décidés à développer le courant unitaire dans le pays, à faire que, par de nouvelles étapes, nous fassions de cette union de la gauche une alternative complète en face du gaullisme. Que va-t-il se passer demain? C'est ce que tente de prévoir Bernard Lefort de Paris Jour. Les contours de la future majorité ne forment pas d'ailleurs le seul point d'interrogation que l'on peut poser. On peut se demander également ce que deviendra dans l'avenir la coalition de la gauche, le succès du Parti communiste pouvant le conduire à une certaine intransigeance à l'égard de ses partenaires. Que feront enfin les élus du centre démocrate placés directement devant la responsabilité d'une éventuelle motion de censure au cas où la Ve République ne détiendrait pas la majorité absolue? Ce que l'on peut souhaiter en tout cas, c'est que la bataille terminée, chacun respecte les règles élémentaires de la démocratie. Ce qui compte maintenant pour les élus, c'est d'assurer à ce pays qui s'est librement prononcé les moyens de poursuivre sa marche en avant dans la paix civile. D'autres commentaires, la remontée sensible de la gauche pour Robert Decoud de la Voix du Nord remet en cause la stabilité politique. Pour Jean Lechant de Normatin, c'est donc l'union de cette gauche enfin rassemblée qui sort renforcée du scrutin du 12 mars. Pour sa part, Paul Henrique pense dans le Dauphiné Libéré que les résultats acquis par la gauche paraissent de nature à opérer une sorte de bouleversement dans les rapports jusqu'ici envisagés entre ce qui pouvait être les forces de la majorité et les siennes propres. Le 12 mars, peut-on lire sous la plume de Pierre Saint-Drichin dans Sud-Ouest, n'a pas tenu les promesses et les espérances que le 5 mars avait apportées aux gaullistes. Aujourd'hui, plus que jamais, le général de Gaulle peut dire qu'il est mieux élu que tous les députés de son ancienne majorité. Tout ce que l'on peut dire de l'avenir de la législature, écrit Claude Martial dans Le Progrès de Lyon, c'est qu'elle a de fortes chances de ne pas être le calque de celle qu'elle va remplacer. Jules Clovart, dans L'Oreille Claire, considère qu'il faudra bien se demander pourquoi s'est manifestée cette poussée à gauche, malgré le désir qu'éprouve la grande majorité des Français de conserver la stabilité. Enfin, pour René Prêtet du Bien Public, la majorité devra montrer qu'elle est digne de la confiance du pays, et l'opposition aura à faire preuve qu'elle est capable de faire autre chose qu'une critique négative, capable d'aller plus loin qu'une opération électorale. C'est fait. Ils ont voté, les parents. Mais que faire des enfants? Les envoyer à la neige, en groupe. Excellent pour leur apprentissage du ski et de la vie en communauté. Mais en 1967, ils ne sont pas si nombreux que cela à quitter leur école habituelle. Éducateurs et enseignants, un magazine de l'actualité radiophonique. Marc Alvarez au micro, bonjour à tous. Lorsqu'on prononce le nom de Champrousse, on pense bien sûr aux Jeux Olympiques. Et pourtant, à quelques kilomètres de cette célèbre station où nos skieurs qui participent aujourd'hui à la descente tenteront d'obtenir la consécration olympique, il existe depuis maintenant 4 ans un village pas comme les autres, le village d'enfants de Bachaboulou. Le village d'enfants de Bachaboulou, c'est un ensemble, en fait, de 8 petits villages. Capacité d'accueil, 1000 enfants. En cette saison, nous y trouvons tout naturellement des classes de neige. Mais laissons la parole à M. Reversade, le directeur du village. Ce qui fait surtout son originalité, c'est qu'il fonctionne maintenant d'une façon quasi permanente pour la plupart des villages. Parce que nous ne nous contentons pas de recevoir en hiver des classes de neige et des séjours de neige à Pâques ou à Noël, mais nous recevons encore au printemps et à l'automne des classes climatiques d'altitude, dites encore classes nature, et nous recevons surtout l'été des colonies de vacances. C'est un village vraiment au service des enfants. Oui, ça, c'est peut-être sa seconde originalité. Il a été conçu pour être spécialement au service de l'enfance. Pouvez-vous m'expliquer cela ? Les bâtiments correspondent à leur destination, ce sont des bâtiments confortables. Et un village se présente sous l'aspect suivant, un chalet-centre où on trouve tous les services communs, cuisine, salle à manger, logement du personnel, chaufferie, et des unités de vie pour chaque classe de neige, que nous appelons le chalet annexe, où nous trouvons l'unité de vie pour 32 enfants, au rez-de-chaussée une classe confortable, au premier étage 4 chambres de 4 lits et au second étage 4 chambres de 4 lits. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser à un tel village ? Les problèmes pédagogiques, disons que l'éducation nationale a expérimenté depuis fort longtemps les classes de neige, par conséquent elles sont disons bien au point. Ici, en plus, elle bénéficie de la présence d'une école de ski sur place, si bien que l'enseignement du ski qui est donné dans nos classes de neige est un enseignement de qualité. Alors, vous allez avoir à faire maintenant une petite traversée jusqu'en haut des piquets, vous les voyez ? Hein ? Alors, n'oubliez pas que la neige aujourd'hui, elle glisse assez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas glisser, pour ne pas déraper ? En traversée comme ça, quand on va tout droit, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on reste les deux skis ensemble, qu'est-ce qui va se passer ? On fait le chasse-neige. On va se mettre sur l'écart. Alors, on va rappeler la position des bâtons. Hein ? Toujours souple. Regardez ici. Toujours souple. Je vais pousser les genoux en avant. Hein ? Et les bâtons derrière. Allez, on y va. C'est la première fois que vous faites du ski ? Oui. Est-ce que c'est difficile ? Oh, ça va ? Oui, ça va. C'est un petit peu difficile quand même. Est-ce que vous êtes tombé déjà ? Oui, oui. Oui, beaucoup de fois. Est-ce que tu t'es fait mal ? Quelquefois. Qu'est-ce que tu préfères ? La classe ou le ski ? Le ski. Le ski. Le ski. Les deux. Les classes de neige, est-ce que ça vous plaît ? Et comment ? Oui. C'est dommage qu'on part quand même. Monsieur, vous êtes moniteur. Ça, oui. Est-ce que ça se passe bien, ces classes de neige ? Ah, toujours très bien, là, oui. Une très bonne ambiance. D'ailleurs, c'est à nous de la faire, un peu, cette ambiance. Et les élèves, comment réagissent-ils ? Très bien. C'est-à-dire qu'on est là un peu, on est instituteur. On est là non seulement pour leur apprendre le ski, mais on les éduque aussi. Et il y a une manière et une seule, à mon avis, c'est-à-dire c'est de leur faire plaisir, de leur faire goûter le ski, non pas comme dans une station où on ferait des leçons de ski, où on potasserait, mais là, je pense qu'il faut d'abord les amuser, hein, c'est beaucoup plus important et les progrès se font sans qu'ils s'en rendent compte. Est-ce qu'il y a des enfants qui fatiguent ? Oh, il y en a quelques-uns qui fatiguent, mais là, on fait un peu attention. On répartit les cours suivant la force des élèves, ou alors il y en a quelques-uns qui sont pas tellement fait pour le ski, alors on va plus doucement pour eux, quoi. Mais la classe, comment se fait-elle ? Une institutrice répond. Je crois qu'il y a une différence entre la classe faite à Bachaboulou et celle faite à Strasbourg. La différence, c'est que nous sommes une grande famille. C'est que nous sommes très détendus et que j'ai le plaisir de me considérer comme la maman de toutes ces petites filles. Les enfants sont intéressés comme à la maison, parce que la classe se poursuit de la même façon qu'à la maison. Mais je pense au point de vue rendement, c'est à la maison que nous en rendrons compte. Les alpinistes. Depuis le commencement de Wetterhorn, rien jamais n'avait remué sur l'arête du Horlin. Sauf les brisards de neige, les pierres, le brouillard et les ombres. Continue Michel, s'il te plaît. Maître Courte connaissait son servin par cœur. Il savait bien que ses tâches étaient beaucoup trop grandes. Et comme c'était un oiseau fort curieux, le plus curieux et le plus hardi de la famille, il décida sur le champ d'y aller voir. Bon, on va s'arrêter là. Et j'aimerais savoir ce que c'est que le Matterhorn. Est-ce que quelqu'un le sait? Elfried, tu sais ce que c'est? C'est un autre nom du Mont Cervin. Oui, et qu'est-ce que le Mont Cervin? Mais je vais vous le dire, c'est une montagne suisse, hein, qui fait partie des Alpes aussi. Entre 5 et 7, il y a, je peux dire, une foule d'activités auxquelles beaucoup d'enfants n'ont pas encore participé ou n'avaient pas idée de ce que c'était que les activités danse folklorique, audition de disques, magnétophone, dessin, cinéma. Et après le repas du soir, il y a très souvent des veillées qui sont organisées par les moniteurs et par les conseillers de séjour et qui comportent des jeux, des distractions. Les enfants sont vraiment très occupés. Mais est-ce que ces enfants suivent facilement ce rythme qui me paraît très endiablé? Il l'est en effet un peu, mais enfin, nous avons tout de même des moments de sieste et de repos, et la nuit apporte bien du réconfort. Ce qui nous préoccupe, nous, éducateurs, c'est que nous ne voudrions pas voir des classes de neige transformées exclusivement en classes de ski. La classe de neige française est une classe homogène. L'instituteur vient avec 32 élèves, et ces 32 enfants ne sont pas pour autant de futurs petits champions. Et si quelques-uns prennent un plaisir immense à s'initier aux voies du ski et parviennent à obtenir certains tests de l'école de ski, par contre, d'autres qui ne sont pas des enfants coordonnés, doués, souffrent sur leur ski, ont froid, pleurent. Et nous aimerions bien qu'ils trouvent un certain plaisir à trottiner dans la neige à côté de leurs camarades ou même munis de raquettes, qu'ils trouvent une certaine joie à toucher la neige, construire des bonhommes de neige ou des icles. Une place de neige, ça peut apporter quoi à un enfant, très exactement? Ça peut lui apporter différentes choses, vous savez, ça peut être sur le plan scolaire. Ça ne se fait même pas toujours sentir pendant la classe de neige, mais bien souvent après, il y a un bénéfice, parce qu'ils se sont aérés, vous savez, c'est le plan physique qui se répercute. Voilà. Il y a aussi d'autres résultats, même pendant la classe de neige, pendant la durée de ce séjour, où les enfants, bon, ont tellement, on leur a donné quelque chose, on leur a permis une ouverture, on leur a apporté autre chose. Alors ils vont vers la classe d'une façon plus agréable. Et quand quelquefois, parce que bien souvent les leçons, d'ailleurs c'est ça aussi qui intervient le rôle de l'instituteur, c'est que les leçons portent sur la géographie du milieu, sur toutes ces choses. Bien sûr que c'est pas la classe de nature, mais il y a quand même des ouvertures. On fait des dénivelés, on fait des parcours sur la carte d'état-major. Bon, ben à travers les lieux qu'ils connaissent, c'est déjà une ouverture. Et je pense que c'est même dans tous les domaines, c'est une sensibilisation déjà naturelle, spontanée. On l'a bien sûr voulu, mais on n'a pas forcé l'enfant. Et alors on l'a préparé, même à son insu, à quelque chose de plus valable, de plus tangible dans la classe. C'est moins théorique. Et puis alors, il y a le bienfait aussi de la vie en collectivité, parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vécu en collectivité, qui font la découverte de ça. En dehors donc de la classe de neige, nous avons notre vie collective, avec le domaine éducatif, le domaine un peu artistique, si vous voulez. On leur apprend à présenter une table, on leur apprend à vivre dans un lieu agréable. Il y a une infinité de choses qui vont à côté. Et donc, le fait de les amener en classe de neige, il y a le ski, il y a les choses proprement dites, et il y a la vie qui se greffe, qui se construit tout autour et qui apporte une richesse à l'enfant. Ça lui donne envie de voir, de connaître autre chose. Et puis, d'avoir vécu avec d'autres personnes, ça combat un peu l'égoïsme, ça combat des tas de... Ça apprend à c'est presque l'école de la vie. Voilà, c'est ça. La classe de neige est née il y a maintenant 15 ans, mais c'est seulement depuis quelques années, 4 ans précisément, que la classe de neige est devenue véritablement une classe normale de l'enseignement élémentaire, une classe qui doit séjourner en montagne pendant au moins un mois, avec son effectif au total et son instituteur. Le développement et le succès des classes de neige est considérable. Je vous citerai seulement deux chiffres. Pour l'année scolaire 1965-1966, 25 890 élèves ont bénéficié des classes de neige. Cette année, près de 60 000 élèves sont partis ou partiront en classe de neige, ce qui représente environ 2000 classes. Éducateurs et enseignants, un magazine de l'actualité radiophonique préparé par l'équipe du service information jeunesse. Il devait arriver que de jeunes enfants détestant la neige et le ski soient pour autant envoyés, les petits privilégiés, en classe de neige ou tombent malades durant leur séjour. Comment alors occuper leurs loisirs? En les invitant à regarder la télévision? Attention, danger possible. Eh bien, retour en France à présent avec des précisions, plutôt des précisions, oui, pour les téléspectateurs, et plutôt des résultats assez rassurants. En effet, ceux des tests auxquels le syndicat des constructeurs d'appareils de télévision vient de procéder. Pour ce syndicat, les récents cas d'implosion de téléviseurs ne peuvent pas être attribués au tube même, mais à des origines extérieures. Et le président de ce syndicat, M. Alain Wilk, s'en est expliqué à Pierre Jamin. L'implosion d'un tube cathodique n'est en aucun cas la cause d'un incident qui peut arriver à un téléviseur, c'est toujours la conséquence d'un incident provoqué par des causes extérieures au téléviseur. Par exemple, la chute provoquée de l'appareil ou un incendie provoqué pour quelque raison que ce soit. Jusqu'il y a 4 ans, le téléspectateur était totalement protégé par une dalle de verre armé que les constructeurs, conformément aux normes internationales, plaçaient devant le téléviseur. Et depuis 4 ans, il n'y a même plus besoin de cette dalle de verre trempé, puisque la protection est incluse dans le tube lui-même. Mais dans les deux cas, la protection du téléspectateur est totalement assurée. Quelles règles le téléspectateur doit-il observer pour qu'il n'y ait pas de risque d'incident? Eh bien, il faut qu'il s'assure que le branchement de son appareil est correct et que les conditions de tension sont bien conformes à la définition de son poste. Il faut en second lieu qu'une ventilation, disons normale, soit assurée autour du poste et qu'on ne le place pas en enceinte confinée. Et enfin, si une anomalie apparaît dans la réception et si elle se maintient, si elle se prolonge, il faut couper le poste et appeler un technicien. Oui, et c'est ce technicien, lui seul, qui est susceptible de dire avec certitude si votre téléviseur fonctionne normalement. Non, les postes de téléviseur n'étaient pas dangereux. S'abrutir des heures durant devant la télévision, si sans doute, mais cela est un autre problème. Et surtout, on allait enfin pouvoir découvrir la vie en couleur. La radio, couvre le troisième salon de la radio et de la télévision. Belle occasion, le 1er septembre 1967, à un mois du lancement de La Couleur sur une chaîne, la deuxième, belle occasion pour Jacqueline Baudrier de faire le point sur ce saut technologique avec, en prime, la brève interview d'un jeune normalien parti à Cuba, puis en Bolivie, emprisonné et enfin libéré. Nous allons venir maintenant dans notre ambiance du salon de la radio et de la télévision pour vous parler enfin de cette télévision en couleur que nous vous annonçons depuis midi, depuis le début d'Interactualité Magazine. Tout à l'heure, dans ce salon, a eu lieu donc l'inauguration officielle du salon avec M. Georges Gors, ministre de l'Information, avec M. Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'ORTF. Vous participiez à cette inauguration. Oui, et je crois, c'est bien sûr la télévision en couleur, les images couleur que M. Gors a vues, qui a le plus intéressé le ministre de l'Information. Et il a prononcé, M. Gors a prononcé un petit discours après cette visite, et j'ai relevé, j'ai extrait quelques phrases de sa déclaration. Écoutez. Il faut que, d'emblée, la télévision en couleur s'impose et qu'elle soit mise aussi vite que possible à la portée du plus grand nombre. C'est un souci du gouvernement. Il ne faut pas que ce soit une denrée de luxe, un privilège pour quelques-uns. Il faut au contraire que nous nous placions tout de suite, et je vous remercie de commencer à le faire, dans l'hypothèse d'un marché dynamique, en plein élan et très étendu. Et je crois que les craintes que certains ont pu nourrir quant au rapport entre la couleur et le noir et blanc classique, je crois que ces craintes seront vaines. Je me souviens qu'au moment où la télévision naissait, beaucoup ont cru que la radio en serait éliminée. Ce n'a pas du tout été le cas. Je dirais même qu'elle a été stimulée à rechercher d'autres voies, d'autres directions, par exemple celle de la miniaturisation dont nous avons vu tout à l'heure maint exemple. Eh bien, je pense qu'il en sera de même et que la couleur et le noir et le blanc continueront à faire bon ménage. La télévision en couleur, ça n'est pas la télévision en noir et blanc coloriée, c'est tout autre chose, c'est une dimension nouvelle qui nous est apportée. Monsieur le directeur général, vous venez d'entendre le commentaire de Monsieur Georges Gors, mais je crois, moi, que le public a peut-être du mal à imaginer tous les efforts faits par l'ORTF pour arriver à sortir le 1er octobre 1967 les 12 heures de programme par semaine que nous allons offrir aux téléspectateurs qui pourront bénéficier de la télévision en couleur. Alors, je crois qu'on pourrait peut-être essayer de donner une idée de ces efforts aux auditeurs qui nous entendent. Mais écoutez, les efforts ont commencé pratiquement dans le même temps que l'on mettait en route la deuxième chaîne. On peut dire qu'en 1963-1964, les études déjà se poursuivaient sur la télévision en couleur. Et au cours des deux dernières années, en gros 1965 et 66, et cette année, un effort très très considérable a été fait par tous les services de l'Office. Les techniciens d'abord, bien entendu, qui créaient l'outil, mais aussi les réalisateurs, et Bernard Hecht était là pour en parler. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que jamais la mise en route d'un nouveau moyen de diffusion n'a été aussi longuement et abondamment expérimentée que l'a été la télévision en couleur au cours des deux années qui viennent de s'écouler. Et il y a un conseil à donner qui est vraiment très important, c'est de veiller à une installation particulièrement soignée de ces récepteurs couleurs. De toutes les expériences que nous avons faites pendant deux ans, une conclusion, celle-là irréfutable, se dégage, c'est qu'on ne saurait trop prendre de précautions pour installer son téléviseur couleur, pour le régler au départ, pour installer l'antenne, car à défaut d'un bon réglage, d'une bonne installation de l'antenne, la couleur peut se trouver très, très gravement dégradée. Et il ne faut rendre à ce moment-là responsable ni le constructeur ni l'ORTF. C'est une affaire d'installation. Et une fois cette installation faite, il faut surtout se garder de la modifier. Jacques Salbert, vous qui connaissez à la fois la télévision américaine en couleur et la télévision française en couleur, est-ce que vous remarquez une différence entre les deux procédés comme qualité de la couleur? À ce que nous disaient tout à l'heure nos correspondants au Canada. Non, je suis obligé de prendre l'avis des techniciens américains et qui tous estiment que le procédé français est excellent. Vous savez, je crois vraiment que pour pouvoir juger de la valeur réelle de deux procédés couleurs, il faut avoir la possibilité d'avoir deux images l'une à côté de l'autre. Si je vous parlais de mes impressions personnelles de la télévision en couleur américaine, ce ne serait pas très agréable probablement pour les Américains. Pour une simple raison, c'est que j'habite New York et qu'avec tous ces gratte-ciel, il est absolument impossible d'avoir une bonne réception couleur. Par contre, dès que vous allez un peu plus loin de New York, dès que vous êtes un peu dans la campagne, vous avez des images couleurs qui sont très bonnes, qui malheureusement ont une certaine instabilité. D'après ce que m'ont dit les techniciens, il paraîtrait que le procédé français serait plus stable que le procédé américain. Monsieur Dupont nous disait tout à l'heure que surtout quand on avait réglé son poste couleur une fois, il ne fallait plus toucher au bouton, n'est-ce pas? Bon, en Amérique, vous êtes tout le temps obligé de vous lever pour essayer de régler votre poste parce qu'il y a une dominante verte, il y a une dominante bleue, il y a une dominante rouge, vous passez du studio en extérieur, il y a un décalage d'image, il y a un déphasage qui se produit et qui est assez désagréable. Il faut dire que la télévision américaine, en tous les cas, évidemment, un avantage sur toutes les autres, c'est qu'elle a tout de même été la première en exploitation. Elle a un peu essuyé les plâtres, si vous voulez. Nous avons eu la chance de profiter de l'expérience américaine, de pouvoir donc corriger certaines imperfections du système américain. Il est donc normal, finalement, que techniquement, le système français offre certains avantages sur le système américain. Sans ça, c'était pas la peine de faire un autre système. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Monsieur Jacques-Bernard Dupont, est-ce que vous êtes optimiste à la fois pour l'avenir de la radio, de la télévision et de la télévision en couleur? Est-ce que vous pensez que tous les trois peuvent coexister? Écoutez, il n'y a pas de meilleure preuve de notre optimisme concernant la radio que le fait que nous soyons tous réunis ici autour de ce micro qui suit France Inter. Merci. Je crois d'ailleurs qu'on va pouvoir vous donner un exemple de la coexistence de la radio et de la télévision. Je vous avais annoncé que notre envoyé spécial, Frédéric Potcher, avait réussi à interviewer à Camiri Régis Debray. Et je vous avais dit aussi que cette interview serait diffusée ce soir dans le journal télévisé. Et en attendant que vous puissiez la voir au journal télévisé, eh bien vous allez en entendre un extrait, un morceau, tout de suite. Du micro de France Inter. Je suis tellement content que mon fils puisse parler enfin à les journalistes français qu'il a réclamé si longtemps. Enfin, maintenant, je peux le voir librement, on va pouvoir bien travailler ensemble, on va bien anéantir cette extraordinaire accusation qui paraît... Moi, ça me paraît un procès du Moyen-Âge. Oui. J'ai l'impression qu'on va faire le procès de Jeanne d'Arc, puisqu'on m'a demandé de le faire abjurer, et que j'ai pas voulu le faire abjurer. Encore que je n'ai pas ses opinions, hein. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je vais faire abjurer mon fils, oui. Surtout dans la situation où il est. Oui. C'est ça qu'on n'a pas très bien compris ici. Oui. Régis, qu'est-ce que vous dites de ce que vient de dire votre père, là? C'est du Moyen-Âge et tout ça. C'est votre avis? Oui, enfin, dramatisons pas. Non. Moi, je crois que c'est le procès des temps modernes. Ce que mon père ignore, c'est que le Moyen-Âge règne dans beaucoup de pays, c'est tout. Vous voyez, oui, oui. Voyez, une question de génération. Vous avez beau être un grand avocat. Ben non, mais c'est une question de génération. Depuis que quelques semaines que je suis ici, j'avoue que je me rapproche de lui. Je me rapproche de lui. Et vous savez, sa mère, la réac numéro un, comme il l'appelle, oui. Ben elle se rapproche aussi de lui depuis le 6 mai qu'elle est ici. Oui. Elle voit des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Revenons à ces enfants de 1967, pas encore en âge de se rendre en Amérique du Sud. S'ils sont là de la télévision, fut-elle en couleur sécam, peut-être ont-ils intérêt à écouter la radio. Ils pourraient suivre le 500e ou le 600e épisode de Noël aux quatre vents, à moins qu'ils ne s'encanaillent à l'écoute du premier épisode de San Antonio sur France Inter. des vacances, des vraies. Oh, depuis le temps que les services spéciaux m'en privaient. Mais cette fois, ça y est, avec Berrurier, que vous appellerez l'énorme, le master, l'enflure, le gravot ou la gonfle, selon l'établissement où vous aurez été éduqué. Avec Beru, donc, je suis le Tour de France. Première étape, Dijon. Alors, Dédé, ce demi, ça vient, oui? Voilà, on arrive. Dis, André, c'est pas un self-service ici. Il faudrait voir de ce coin un peu, hein? Mon master, où est mon master? Je veux mon master tout de suite. Procation. Non, il sera pour qui, procation? Mais non, il sera que non, mienne, procation. Mais qui c'est cette danseuse, hein? Parole, on les fait drôle cette année, les coureurs. Ah, quoi, vous connaissez pas? C'est Giron Alonso, le roi de la pédale aragonaise. Qu'il aille se faire masser ailleurs. Alors, t'es bien d'accord, Jojo? On fait notre partie de Picolzame au finish? Ah oui, c'est OK, monsieur l'inspecteur. C'est mon chef Héraldique, le commissaire San Antonio, ici présent, qui arbitrera. J'ai. Alors, San, explique à l'honorable assistance le règlement dont auquel on va se soumettre, moi et Jojo. Inspecteur Berrurier, j'aimerais que vous gardiez vos distances. C'est pas parce que j'ai accepté de suivre ce Tour de France avec vous qu'il faut vous permettre de faire des commentaires. Oh, je t'en prie, chef, arrête ton char. On est tous les deux de la maison Poulaga. Et si on se tutoie dans le service, pourquoi qu'on se fera des ronds de jambes en vacances? Oui. Allez, te fâche pas, gros, je plaisantais. Ah oui, mais c'est le genre de vanne qui me met en rung, hein. Tu le sais bien. Surtout ici, à Dijon, capitale de la moutarde, elle me monte au nez. Ouais. Alors, t'expliques où on va faire du tricot? Bon, eh ben voilà. Oh. Hey, silence là-dedans. Silence! Mon chef va causer. Le Pickles Dame se joue comme les dames. mon commissaire, lui aussi, il aime jouer aux dames. Et si je voudrais, je pourrais vous en raconter. Ça, c'est autre chose, hein. Parce que sans, faut vous dire que... Bon, ça va. Alors, on t'esgourde. Bon, donc, à la place des pions, vous le voyez, chaque joueur a disposé sur les cases autant de verres remplis. L'inspecteur Berrurier. Alexandre Benoît, bébé pour les dames et les demoiselles. Et surtout pour les myopes sans lunettes et qui n'ont pas d'odorat. L'inspecteur Berrurier, disais-je, a choisi les noirs. Les verres de son jeu sont remplis de cassis, c'est une des spécialités de la région. Jojo Lameringue a pris les blancs. Ces godets sont pleins de marre de Bourgogne. Oui, je trouve que ça emporte moins que le cassis. Alors, chaque fois qu'un joueur perd un pion, c'est-à-dire un verre, eh bien, il doit le boire. Le premier adversaire qui s'écroule a perdu. Vu? Compris. Ça va être homérique. Moi, je parie sur Jojo. Et donc, on va Berrurier le vainqueur. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui tient bien le cassis? 50 balles sur Jojo. Bon. Tenu. Attention, alors, vous êtes prêts, messieurs? Ready. Banco. Dites, encore un mot, celui qui, en poussant son verre en renvers, est éliminé. Hein? Of course. D'accord. Allez. Bon, alors, chez l'inspecteur, j'ai les blancs. Je commence, hein. Et défense de souffler, vous autres, hein. Alors, voilà. Je pousse. Là. Je pousse et je pousse. Oh, c'est comment... Mes poulettes chéries, ce que ces deux lascars tiennent, c'est pas croyable. De vraies éponges. Mais alors, modèle géant. Ah, moi, vous me connaissez... Un petit whisky de temps en temps, c'est tout. Hein? Ah, ça, dans les services spéciaux, faut garder sa tête à soi. Oh, un très joli coup de l'éléphantesque Berrurier. Jojo Lameringue avale son 12e mare. Il a maintenant du mal à trouver sa bouche. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, je sais ça. Je vous parlais, je crois, du célèbre commissaire San Antonio. C'est moi-même. 1m85, 80 kilos, sportif. Ah, ça, dans le métier, c'est utile. Et alors, un portrait, ah, ça, un portrait que vous aimeriez avoir en permanence au-dessus de votre lit, hein. Ah, oui, et quand je dis au-dessus, oui, bon. Ah, bah, tout ça pour vous faire comprendre qu'avec moi, vous perdez pas votre temps, hein. Aïe, oh là là, la meringue vient de se faire souffler trois pions. Il s'envoie trois mares derrière la cravate. Oh là là là là, Oh, le jeu devient de part et d'autre, un peu mou, mais... Ah, oui, c'est mon adjoint qui a l'avantage. Il va à dame, et Jojo s'écroule sur le damier. À la réflexion, peut-être aurait-il dû, ces jeunes auditeurs, se détourner de San Antonio, personnage pour public averti sur France Inter, au profit d'un écrivain plus classique que France Culture adaptait en feuilleton à l'automne 1920. 67. Certes, les comprachicos ne sont pas très sympathiques. L'homme qui rit, de Victor Hugo. Adaptation radiophonique de Francine Mallet. Musique d'Adrienne Clostre. Réalisation Henri Soubéran. La scène se passe en 1689 en Angleterre du Sud, à la foire de Weymouth. C'est lui qui gagne ! C'est mon coq ! Et voilà ! C'est lui qui a gagné ! Et maintenant, monsieur Homo, c'est à vous ! Oh ! Regarde ce chien ! C'est pas un chien, c'est un loup. Tu as vu son œil qui nous regarde? Oh, comme il nous regarde de travers. Et puis, ses poils raides des courses, qu'il est maigre. Bah, c'est qu'il travaille. Et voilà. Tu vas voir, quand son maître aura fini son numéro, le loup fera le tour avec une sébile dans la gueule. Bah, quand il passera, moi je me sauverai. Mais faut pas avoir peur de lui. J'ai pas peur, mais j'ai pas un sou dans ma poche. Bon bah tu seras pas le seul à filer au moment de payer, hein. Mais quoi, quoi, poussez pas, hein. Mais la police vous laisse circuler avec un loup, malgré les ordonnances. La police a autre chose à faire que de s'occuper de ça. En ce moment, elle court après les achète-petits, les comprachicos, ceux qui font commerce des enfants. Les voleurs d'enfants? Que non pas. Les comprachicos ne volent pas. Ils achètent bel et bien les enfants avant de les vendre. Et c'était d'honnêtes gens. Ils poussaient une porte, entraient, marchandaient un enfant, payaient et l'emportaient. Pourquoi faire? Pour faire des monstres. Des monstres? Et pourquoi? Pour rire. Pour faire rire. Ce sont des éleveurs. Avec un enfant, ils font un bossu. Avec un visage, ils font un mufle. Ils tassent la croissance, ou pétrissent la physionomie. Le nain fabriqué amusait les grands, comme faisait le bouffon. Les comprachicos font, je veux dire faisaient, des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. Oh, mais c'est affreux! Rassurez-vous. Maintenant, notre police veille. Notre roi a donné des ordres. Les comprachicos ont vécu. C'est que parfois, on les employait pour faire disparaître la trace d'un héritier gênant. Non, non, je ne peux croire des horreurs pareilles. C'est que tu es un poète, mon enfant. Cette fabrication de monstres était le fait d'une chirurgie à rebours, mais de chirurgiens fort habiles. Elle se pratiquait sur une grande échelle. Il en fallait au sultan pour faire garder ses femmes. Il en fallait au pape pour faire chanter ses prières. On ne sait plus sculpter en pleine chair, mon ami. Maintenant, il faut y renoncer, parce qu'il n'y a plus de supplice. Nous sommes privés des progrès que le bourreau faisait faire à la chirurgie. Mais qui est-ce qui pouvait bien vendre des enfants? Le père misérable, se débarrassant de sa famille. Ou bien des grands, des rois, pour couper court à des filiations. Le talent qu'avaient les comprachicos de défigurer les recommandait à la politique. Le masque de fer est arrachable. Le masque de chair ne l'est pas. Vous masquez à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Ces gens-là démarquaient un enfant comme on démarque un mouchoir. Ils avaient des trucs. Ils travaillaient l'homme comme les Chinois travaillent l'arbre. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. Les produits destinés aux battleurs avaient les articulations disloquées. On les eût dit désossées. Cela faisait des gymnastes. Non seulement les compachicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient la mémoire. L'enfant n'avait pas conscience de la mutilation qu'il avait subie. En somme, cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face et non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour, il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi, et ensuite qu'on l'avait guéri. Une poudre magique venue de Chine l'empêchait de souffrir. Comme je vous le disais, les compachicos étaient tolérés par Jacques II, pour une bonne raison, c'est qu'il s'en servait. On ne dédaigne pas toujours ce qu'on méprise. Cette industrie d'en bas, expédient excellent parfois pour l'industrie d'en haut, qu'on nomme la politique, était volontairement laissé misérable, mais point persécuté. Cela peut être utile. La loi fermait un œil. Le roi ouvrait l'autre. N'hésitons pas à nous répéter, l'année 1967 passe donc à la couleur, à la télévision. Cela aura-t-il une incidence sur le cinéma ? Réponse dans « Connaître le cinéma ». Connaître le cinéma, une émission de Philippe Hainaut et Jean Mitry. Couleurs en mouvement. La couleur envahit notre vie, quotidienne et personnelle. Pour en fixer l'éclat, les amateurs sont de plus en plus nombreux à manier appareils photographiques et caméras. Placez votre film, pressez le bouton, nous ferons le reste. Mais j'imagine que depuis peu, les familles françaises délaissent un peu leur album de souvenirs colorés et roulent l'écran marital des longues soirées d'hiver pour suivre sur leur récepteur de télévision les débuts du procédé Secam. Pour le cinéma professionnel, la couleur est une longue aventure. Dès Méliès, on coloria des films à la main, image par image. Travail délicat, confié à des mains de femmes gantées de blanc. Du pochoir, on passa au virage teinté, qui marqua la grande époque du cinéma muet. On trempait la pellicule, séquence par séquence, pour la teinter d'une couleur unique, traitée comme dominante symbolique, soulignant la signification dramatique. Mais dès avant 1914, on tenta de filmer directement sur la pellicule les couleurs naturelles. On a oublié bien sûr le procédé anglais du Kinemacolor, mais il est bon de rappeler que les premiers essais du Technicolor américain remontent à 1915. Il fallut cependant attendre une vingtaine d'années pour obtenir des résultats publics probants. Puis on salua les débuts de l'Aquacolor et de ses dérivés le Gevacolor et le Softcolor. Si le malheureux Roucolor, comme d'autres procédés, fut bientôt abandonné, on s'émerveilla depuis 1950 des débuts et des progrès de l'Eastman Color. Enfin, n'oublions pas le Ferrania Color et le Kodachrome, chers aux amateurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tant en ce qui concerne l'emploi de la couleur que les théories faites à son propos, c'est ce que d'éminents professionnels, cinéastes, opérateurs, décorateurs, costumiers, ingénieurs, vous expliqueront avec la simplicité requise. Je voudrais, si vous le voulez bien, partir d'une constatation. On assiste à une nouvelle offensive de la couleur au cinéma, d'une part pour des raisons de spectacle, d'autre part pour une éventuelle diffusion des films sur les chaînes de télévision. Alors une première question se pose, allons-nous vers une abolition plus ou moins rapide du noir et blanc, et sa disparition serait-elle pour vous une grave erreur? Maurice Barry. Je crois que la question que vous formulez provient du fait que les débuts du procédé Secam en télévision touchent évidemment beaucoup plus de spectateurs que l'innovation de la couleur au cinéma n'en a touché, puisque le public de télévision est infiniment plus nombreux. Mais en fait, la question aurait pu se poser également à propos de l'introduction de la couleur au cinéma, j'entends par là, à partir du moment où, grâce à Gevacolor et grâce plus tard à Eastman Color, la couleur a pu envahir les écrans. Eh bien, je crois que le même phénomène va se reproduire et que nous allons assister exactement au même processus, c'est-à-dire qu'au début, les téléspectateurs vont être déçu s'il ne voit pas toujours de la couleur, alors qu'en fait, au cinéma, on est revenu assez rapidement à une conception qui fait la part du noir et blanc, une part qui ne peut absolument pas être réduite. Il est bien évident que certains films comme Les Diaboliques n'auraient rien eu à gagner à être tournés en couleur. Et je crois en cela que les procédés techniques doivent non pas conduire l'expression artistique, mais qu'au contraire, ils doivent s'inféoder aux exigences de l'écriture et des sujets. Et il y aura toujours place, à mon avis, pour des émissions dont la plus grande expression sera valable en noir et blanc, alors que d'autres appelleront, de par leur nature et de par leur écriture, la couleur. Oui. Moi, je pense... Alain Gespard. Je ne veux pas contredire systématiquement. J'ai eu une expérience dans mon deuxième film, qui était un film en couleur, Je ne massacre. Au départ, j'avais conçu le film en noir et blanc. Et ce qui est un cas curieux, c'est le producteur qui a insisté pour que je fasse le film en couleur. Et depuis que j'ai eu cette expérience, je ne conçois pas, je dis bien personnellement, je ne conçois pas un autre procédé pour faire un film qu'un procédé couleur. Quel que soit le genre du film, parce que j'estime que, et c'est dans ce sens-là que nous devons tous œuvrer, que nous arriverons à une telle souplesse du procédé couleur que même il sera possible de retrouver la conception du noir et blanc en couleur, et que cela est souhaitable, je pense. Bon, alors pour vous, quel est justement l'intérêt de la couleur? S'agit-il, comme on nous l'a souvent dit dans la publicité, de reproduire les couleurs naturelles, ou s'agit-il de les interpréter? Justement, tout est là. À mon avis, on a basé, c'est normal, au départ, l'intérêt de la couleur sur la couleur naturelle. Je pense que c'est une erreur. Si le cinéma en noir et blanc a passionné le public pendant des années, c'est que c'était une interprétation de la réalité, donc un art, et que le seul moyen que le procédé couleur atteigne à une expression artistique, c'est justement de pouvoir transposer la réalité comme on le veut. Et je pense, enfin c'est toujours personnel, mais j'ai l'impression que tous les techniciens du cinéma doivent travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire pouvoir utiliser la couleur exactement comme un peintre utilise une palette, et avec une extrême souplesse, mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Oui, j'ai l'impression que les opérateurs approuvent, monsieur Alcan. Le terme transposition me plaît beaucoup, parce qu'au fond, on en est tous là, on essaye de transposer ce qu'on nous donne, tout fait, et d'ailleurs nous le regrettons. Il y a un très grand problème, c'est le problème justement entre les films qui se tournent en studio, donc qui ont des possibilités de recréation, d'invention, d'interprétation de la couleur, et les décors, puisqu'il s'agit bien de décors, qu'on nous impose, qu'on impose aux opérateurs, qu'on impose aux décorateurs, qui sont des lieux tout faits, et par conséquent qui échappent à une certaine interprétation. C'est d'ailleurs un des problèmes extrêmement graves, c'est que les conditions économiques du cinéma font que de plus en plus, on astreint les créateurs dans tous les domaines à faire entrer leurs sujets dans des lieux préfabriqués et oui. tout fait. Il faudrait peut-être rappeler le cas de Jean Renoir faisant repeindre la nature dans le fleuve et Antonioni pour le désert rouge. Donc il y a une possibilité, même en extérieur, peut-être de truquer, de modifier la matière filmée. Monsieur Barsac. Je crois qu'un des procédés qu'on utilise beaucoup en ce moment, surtout les jeunes metteurs en scène, c'est d'avoir des fonds clairs, presque sans couleur, gris clair, beige, blanc, et là-dessus on met des taches de couleurs violentes, et là ça se supporte. Par exemple, Blow Up, c'est très joli, oui. Malgré des couleurs très violentes, parce que tout le reste est blanc. Oui, on dit par exemple que c'est l'expérience de Tati, que ce sera l'événement de Playtime. Ses collaborateurs disent, mais ce n'était pas la peine de faire un tel effort, parce que son film est gris, et il y a de temps en temps des petites taches rouges ou oranges. C'est certainement, au contraire, une expérience très intéressante que sur la grisaille de la banalité quotidienne, il y ait des taches de couleurs qui sont encore plus frappantes. C'est ce qu'on voit dans la rue, et c'est le principe du pop art et tout cela. Une dernière question, je pense, mérite d'être posée, c'est y a-t-il une différence fondamentale, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan esthétique, à prévoir entre le cinéma en couleur et la télévision en couleur? Monsieur Barry, Monsieur Lemar, vous avez pratiqué la télévision en couleur. Et qu'en pensez-vous? Vous nous prenez là un petit peu au dépourvu, parce que... Un peu trop tôt. Un peu trop tôt, parce que, vous savez, on dit, je crois que c'est M. Vivier qui le dit, et bien d'autres d'ailleurs, chaque procédé doit faire sa maladie. Or là, évidemment, avec les trois couleurs fondamentales, il faut tenir compte de la jaunisse, de la maladie bleue et de la rougeole. Alors, on en est au balbutiement actuellement en télévision. Mais d'ores et déjà, je ne peux pas dire qu'il y a des problèmes fondamentalement différents en ce qui concerne l'esthétique, encore qu'il faudrait y réfléchir. Mais il y a en tout cas une différence assez grande en ce qui concerne les problèmes techniques, qui sont évidemment plus délicats en télévision pour le moment qu'ils ne le sont au cinéma, pour la simple raison que au cinéma, vous n'avez que les difficultés, tous les impédimenta qui consistent à passer de votre rouleau de pellicule positive dans l'appareil de projection sur l'écran, alors qu'en plus, en télévision, vous avez cet immense inconnu, car c'est presque une inconnue, que constitue le télécinéma et le tube. Si vous ajoutez à cela que la plupart du temps, les téléspectateurs font leur lumière eux-mêmes, ce qui n'arrange rien, on en arrive à des conditions de réception qui font parfois dresser les cheveux sur la tête. On a passé, il y a très peu de temps, la guerre de Troie n'aura pas lieu, et nous avons fait des essais de passage, évidemment, avant la diffusion, et nous sommes aperçus que sur une même voie, et sur le même télécinéma, suivant que l'on passe à 10h du matin ou à midi, on n'avait pas le même rendu. C'est sur le domaine technique que nous avons actuellement les plus grandes difficultés, plus que sur le domaine esthétique qu'on verra plus tard quand on aura jugulé un petit peu la technique. Oui, Jacques Lemarre est du même avis. Oui, je suis un peu chargé de m'occuper des problèmes couleurs à la télévision. J'ai vu des kilomètres de pellicules professionnelles et de l'ORTF aussi, mais j'ai vu les productions commerciales. Il y a à peu près 30% de films qui ne peuvent pas passer. Pour quelles raisons? Elles sont très différentes. D'abord, il y a un problème d'information sur le tube et des films qui se passent par exemple entièrement la nuit ou des films d'atmosphère très contrastés sont absolument impassables actuellement dans la technique de la prise de vue cinéma. On pourra peut-être, avec une amélioration des tubes et de la lecture trichrome, nous allons peut-être pouvoir dans quelques temps faire ces mêmes films mais avec tout de même un degré de contraste moindre. C'est-à-dire qu'on peut peut-être faire des films d'atmosphère, mais il faut les faire dans des proportions de contraste de 1 à 40, qui semblent très peu par rapport à ce qu'on fait dans le cinéma actuellement, où on peut aller de 1 à 100 carrément, avec des noirs complets. Or, les noirs, et je crois que le professeur Vivien ne contredira pas, quand il n'y a pas d'information, beaucoup moins maintenant, car le télécinéma noir et blanc a fait énormément de progrès. À condition qu'il y ait autant de blancs que de noirs. Non, pas complètement. Pas tout à fait, parce que, remarque, il y a beaucoup de films du commerce maintenant, qui ne passaient pas il y a 10 ans, ou qui passaient très mal. Et vous en voyez tous les dimanches 3 sur les deux chaînes, et il y en a qui sont extrêmement valables. Je pense qu'actuellement, pour un metteur en scène de cinéma, il ne faut pas s'attacher au problème spécialement télévision, parce qu'il faudrait qu'il fasse un film pour la télévision. Et nous avons des problèmes, nous, à l'ORTF, pour faire des films, que ce soit en 35 ou que ce soit en 16, le 35 étant tout de même actuellement beaucoup plus souple, des problèmes qui sont différents, c'est-à-dire qu'il faut que nous adaptions notre technique aux possibilités du tube actuel. Viens, suis-moi, je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Je suis un bébé requin au ventre plein dans la craie. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Viens jouer, jouer à saute-mouton sur les vagues. Je vais te faire descendre dans un ciel de sable. C'était les années 60, aujourd'hui 1967, troisième émission, Archivina, Annie Lozana, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourté. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.